interface, parce que brasser l'idée, c'est craser barrière, pas comprendre. Juge Claude Gassan, on travaille sur une série de dossiers chauds, gagnant qui bout déjà, gagnant qui en cours. Tant que dossier petit bébé qui disparaît dans l'hôpital général, là, on déjà transmet ordonnance ou by cabinet d'instruction. On travaille quoi lié à sous dossier assassinat qui était fait sous Jean-Léopold Dominique. C'est quand même des dossiers chauds. Est-ce que à un certain moment, Claudie Gassan, par rapport à dossier Jean-Léopold Dominique, là, vous sentez-vous en danger? Comme moi toujours répété, c'est chaque jour. C'est chaque jour par rapport à dossier ça. Et ça, je crois que tout le monde a compris. Parce que vu le rayonnement que Jean-Dominique a gagné, Jean-Dominique son nègre qui était mondialement connu. Donc, lorsque nous enquêtons comme ça, il y a des pressions qu'on va recevoir tous les jours. Parce que l'instruction fait que obligé à prendre tout côté, obligé à toucher tout côté. Parce que Jean-Dominique, c'est une personnalité qui n'est pas très facile. Pour concerner une question comme ça, obligé questionner tout côté que Jean-Dominique était moyen. Dans moyen, ou fait un série d'ennemis en quelque sorte. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents des fois. Ce n'est pas parce que nous avons fait action. Nous ne sommes pas contents tout simplement parce que la justice n'a pas de droit. Donc, on peut toujours recevoir des menaces. Et moi-même, personnellement, recevoir des menaces. Mais profession, c'est ça lié. Un juge d'instruction, par exemple, dormi en paix par rapport à la menace que l'a recevoir. Mais un juge d'instruction supposé dormir en paix par rapport au travail que l'a fait, parce que les gens ont un rôle protecteur avant tout. Il faut le protéger, les gens que l'a interrogé, la protéger de eux, pour faire en sorte qu'ils ne pas mettre un bagage sur le monde lorsque ce n'est pas ça. Il faut qu'en même temps, tout, il garantit intérêt victime dans tout, parce que les victimes, ou pas quand ils ont dit, bon, écoutez, virez de aller parce que vous avez un conseil là, obligé de faire équilibre entre les gens qui sont victimes, non? Et moun yo ta ka meton bagay sou dol, ou bien même le c'est à moun sa, li gen loi pour protéger doual. Juge d'instruction sou, il suppose fait équilibre. Juge Claudie Gassan, est-ce que enquête sur assassinat 3 avril dans Radio Haïti, Jean-Dominique avec Jean-Claude Lucien a avancé? Bon, enquête a avancé. Enquête l'a avancé. Et nous-mêmes, nous avons travaillé dans le cabinet d'instruction à ce que rapidement nous arrivions et communiquer dossier à parquet tribunal civil Port-au-Prince. Dans combien de temps? Nous pas cadeau dans combien de temps? N'a pas cherché, n'a pas avancé. Juge Claudie Gassan gagnait une série de événements successifs pendant qu'on travaille sur le dossier ça et pendant qu'on parlait de menaces et de dangers permanents qu'on sentit sous qui arrivaient. Que certains monde baille interprétation un peu banale par rapport à des incidents de tous les jours, mais il y a des autres qui baille des interprétations politiques. Et je vous dis, puisque nous sommes devant nous, nous avons, ou même, ben nous, version PAO, de incidents sérieux, entre autres, collision qui était gagnée entre nous-mêmes et yon député 47e législature, à un moment côté, où tu as sauté dans le bureau, dans le palais de justice Port-au-Prince. Député en parler de agression ou même est-ce qu'on capable de nos versions de ça qui est arrivé exactement, c'est l'incident qui est arrivé avec le député de Carrefour, Milien Hommage. Bon, forme de Milien Hommage, tu es habité Carrefour, par contre, c'est toujours habité Carrefour, toujours. Tu es habité derrière la caille. Par contre, Balavel, il n'y a pas de Balavel. M'a sorti parler de justice. Bizarre, premier élément, parce que le député a dit que le pas jambes connaît. Oui, justement, je me dis que je ne sais pas s'il le connaît, mais s'il ne le connaît pas. Okay. Mais seul, ça me dit que nous habitons à proximité. Et que vous-même, vous connaissez? Oui, je connais. Ok. Je connais très bien. Et puis, nous avons sorti par la justice, c'est le jour que nous avons invité le conseiller de monde dans la cabinet d'instruction. Et puis, monsieur paraît à la machine pour entrer entre le véhicule PAMNA et le véhicule de police qui suivent la machine PAMNA. Véhicule de couverture. Véhicule de couverture qui vient des policiers en uniforme là-dedans. Automatiquement, et n'importe machine qui a passé entrer entre deux machines, il y a pompé chaud entrer. Et joindre que machine que Milien Hommage d'Arbol là, son machine en plaque privée, Et puis, il y a des nègres qui étaient lourdement armés, là-dedans, les amis apparaissent, etc. Donc, les policiers, coûte que coûte, pas d'abjam, qui a quitté une machine avec les armes rentrées là-dedans. Et là, nous rendons compte que monsieur a battu la gouma machine derrière pour l'entrée sur la machine qui est devant, nous campions. Nous campions. Et tout le monde descend dans les armes, moi, je suis dans la machine. Moi. Tout le monde dans la machine, je suis dans la machine, vite monté, nous ne pouvons pas occuper. Là, nous. Les policiers ont regardé où est ce député hommage, ils ont parlé avec lui, et puis tout le monde a machine. Yon. Moi, effectivement, député hommage, arrivé, ça dit ça, la première phase là, mais deuxième phase là, il avance la machine yon, à proximité portière. À hauteur de port. Machine bas, hauteur, machine bas, portière, machine bas, portière avant. Et puis, il a baissé vite lui, bon, moi, son député, on va finir de passer, il a baissé vite pas tout. Moi, je pense que M. Pral, on a juste salué, on va finir. Et puis c'est là ça, monsieur frappé le stomac li, ou zil kebe dans mel pointe sous moi, ton est boulé, c'est moi même million hommage, ou battant de parler de moi, m'a fout criblé na katouche, et sous parité m'a fout criblé na katouche. Bon, et puis il démarre. M'a demandé, est-ce que son un simple incident, ou bien est-ce que son bagage qui prémédité? Mais de toute façon, nous pas tellement gain temps pour attarder nous sur Jean de Baïsaro. L'essentiel c'est que, Jean de menace direct ça yo n'oblige à accorder une importance quand même avec nous. Et c'est une raison fait que nous t'ai informé l'opinion de attitude ça parce que nous senti que l'ITK concrétisé parce que Jean l'était fait là, l'était fait avec une certaine intention si vous voulez pour le réaliser. Deuxième incident, c'est fois ça ou même que vous mettez en question, yo accusé de ce que vous débarquez dans parlement âme au point pour arrêter yon employé dans le Parlement, juge Claudie Gassan, qui réaction par rapport à ça? Toujours, Parlement, nous pas de jambes, d'après ça me donne une radio, d'après ça me donne des députés à répéter, nous pas de jambes, gen accident avec machine Parlement, dans le cas ça. Et moun qui te gen altercation avec nous, c'est pas de chauffeur, machine, comme dans les appareils, hein? Et machine pas de frapper tout, pas de gamme comme ça. Nous passé, gen yon individu qui aborde l'autre machine, qui digne de trois paroles qui pas que moun pa ka répéter en quelque sorte. Nous pas occupé de ça, nous aller. Nous aller dans l'agence de voyage et puis non que dans l'agence de voyage, l'individu apparaît à bord l'autre machine non, il descend, il rale les plumes, papiers et puis lever numéro plaque machine non. Et puis policier péton mandé le sac pas passé là. Ce péton de blaze policier, rale les armes etc. et puis c'est le moment que n'a sorti. Je dis pas chercher gangni pour venir tirer etc. Là qu'on y a une vire derrière monsieur, monsieur court entre en parlement, l'entrée le râle 12 litres, il mettait tout mon ajout. Et bien, on dit bon, de toute façon, pas un problème. Nous mandé pour nous président chambre. Si vous voulez, c'est un simple incident que monsieur Ambaro yo aggravé. Nous mandé pour nous ta rencontrer l'exa pour nous connaître qui s'est passé. Mais entre-temps, est-ce que effectivement nous rentrer derrière nèg là comment faire retrouver ou dans cet parlement? On va expliquer ça. Puisque n'a courir derrière un monde qui est entré dans un établissement public, c'est la caille nous l'entrée. Donc nous pas gain pour n'a courir derrière encore. Nous camper dehors. Nous voyons demander pour nous envoyer le secrétaire général là, monsieur Madeleine Fizemé, qui sorti ensemble avec député Arsène qui vient côté nous, nous expliquer la situation. Il dit nous pas de problème, président chambre n'a pas venu, monsieur Pierre-Paul Cotin, faut que nous t'aurons avec. Policiers étaient sur place, nous déplacer dans le bureau nous. Ensuite, vers 3h, nous apprenons que président chambre là, nous retournons. Monsieur Madeleine sorti encore, nous dit expliquer président chambre la situation, dit que nous avons rencontré président chambre là. Effectivement, qui comprend la situation, voyez monsieur Madeleine. Et avec responsable sécurité et sécurité parlement viennent chercher nous. Yo deux, yo accompagné moi. Effectivement, moi gagne des policiers qui a assuré sécurité, il y a 4 policiers en uniforme crème et bleu, police nationale d'Haïti qui accompagné moi rentrer dedans. Yo deux messieurs que président Cotin te voye ban nou yo, menem directement dans bureau président côté que moi, chita avec le président, en présence de Madeleine Fizemé, en présence du député Arsène, nous posons problème là, et puis effectivement, nous avons une solution qui était de, il y a voyé, et mon nom, moi, dans bureau, pour nous régler les questions. Député président Chamna, Pierre-Paul Cotin, raccompagne moi dans la machine. Moi. Alors, il faut me dire temps. Monsieur, ça, que nous avons couru là, il a cherché un groupe de députés, et là, il peut être devant, il dit, même si, oui, nous avons besoin d'arrêter, nous avons des juges garçons besoin d'arrêter, même si, viens arrêter, non. Et puis, les députés ont commencé à dire des paroles, c'est juge garçon, et puis, le président Chamna dit oui. Ça, monsieur, a fait la foutre juge à dehors. Foutu jadeur, foutu jadeur. Donc vous avez été pratiquement agressé. Par les députés. Par les députés. Le président Chamna était assez correct dans le moment ça. Il dit, magistrat, j'entends entrer, ou d'entrer bien calme, qu'on n'y a pas sorti parce que c'est moi qui te voyais, ou te voyais moi pour entrer, moi d'où entrer, mal voyais chercher, qu'on n'y a pas sorti comme ça parce que vous avez pensé, c'est moi qui préparais ça. C'est pas pour rien dans ça qu'a fait là. Faut tirer toujours pour calmer la situation. Je me dis, monsieur, non, je ne vais pas venir pour ça tout. Ça ne définit pas, je ne finis pas l'aile. Seulement pour éviter tout problème, l'accompagner, mettez-moi dehors. Ce qui a été fait. Et puis, dans l'ambulance, 15 minutes après, 15 ou 20 minutes après, par législatif, là, ou bien président, s'il vous plaît, vous voyez, monsieur, ben nous. Mais monsieur, ça, il va être rien pour louer un accident de machine, il n'y a pas de chauffeur de machine, ils sont libres, ils prennent la main. Ils ont employé parlement. OK? Et s'il vous plaît, quittez à bord une machine. Et c'est ça qui est plus attiré l'attention. Nous, qui était à bord d'une machine qui te correspond trait pour trait dans le signalement à une machine qui t'a cherché le 30 janvier, qui était kidnappé un élève, Lucien Hibert par exemple, et qui t'a lagué sous champ de masse. Il y a une plainte dans le service anti-gang pour faire ça, qui t'est passé le 30 janvier. C'est donc, ça, d'après l'abordé avec vous. Est-ce que fait ça, qui d'ailleurs lié au fait que gon homonyme que vous te confondre avec vous, est-ce qu'on va dire nous exactement comment ça s'est passé, question de kidnapping Timounan, que vous avez cherché information sur le juge Gassan? Bon, par la suite, dans la journée, ça m'a recevoir, ça dit 30 jours, je recevoir un pile coup de fil, côté que vous avez dit, fais attention, etc. Il y a une machine qui a demandé information sur vous, etc. Il y a une plainte qui était déposée dans l'anti-gang, nous, il y a une copie plainte, non? Bon, après, nous n'avons jamais eu aucun bruit de ça. Jusqu'à ce que monsieur Sarah, qui était à bord machine rouge, qui est venu suivre nous juste dans l'agence de voyage, hein, venu parler de tête, avec des menaces, avec, il vient nous relever, nous mettre plaque machine, moi, personnellement. À partir de là, nous supposons chercher qui ça gagné. Et là, nous finissons chercher qu'on est, qui est origine machine, non, et qui intention que monsieur ça a gagné. Nous décidons que nous remettons machine, non, et puis nous la gagnons, monsieur. Est-ce que événement ça qui arrivait successivement dans vie ou pendant dernier temps ça yo ou associé au fait qu'on travaille sous dossier Jean-Léopold Dominique là avec Jean-Claude Louisan? Moi je crois que ça a un rapport à ça, vous dites ça parce que c'est pas deux fois seulement ça arrivait une troisième fois, mais ça troisième même dit troisième fois, ça arrivait une première fois en fait, donc ça arrivait près de trois fois. Et une première fois tu as un politologue qui te réclamait tête les deux comme Sindado, nek qui t'a mené campagne pour Danny Toussaint, qui t'a mené campagne pour Yvon Neptune, qui te vient faire même mouvement lever plaque machine, vient faire agression, etc. Et puis après pour faire comprendre que juge garçon ces machines parlement la suivait. Nous voulons prendre une pause, nous allons tout de suite pour nous capables d'aborder la dernière partie interview avec juge Claudie Gassan, en particulier sous fonctionnement système justice en général. Interface, parce que nous sommes l'homme, nous pas québécois. Interface, parce que brasser l'idée, c'est craser barrière, pas comprendre. Interface, parce que Chita Palé a changé la vie. Interface, si me parler, m'a tout fait. Juge Claudie Gassan, nous prenons aborder dernier ligne droite dans l'interview. Hein, et c'est un regard en général sous magistrature là en Haïti. Est-ce que ou quoi dans l'indépendance de la magistrature? On croit là-dedans. On croit là-dedans, même si il y a un pile effort pour faire. Parce que il y a l'école magistrature à l'heure actuelle qui a formé des magistrats. Je pense que c'est un bon point pour le pays hein, que il y a l'école qui a formé les professionnels de la magistrature que nous pas gagné avant. Parce que création de l'école là seulement et fonctionnement de l'école là permettent que les magistrats croient dans l'indépendance de la magistrature. Mais souvent, et le fait que gagner intervention au ministère de la Justice, il y a un pile monde qui confond et qui même croit que les magistrats dépendent du ministère de la Justice. Bon, les magistrats ne dépendent pas du ministère de la Justice. Ça pour avoir à chaque fois qu'il y a un problème, tant que dernièrement au niveau du Parlement, ils ont demandé pour interpeller le ministre justice ou bien ils ont demandé au ministre justice à révoquer le juge d'instruction. Le ministre justice n'a pas aucun pouvoir sur le juge. Le ministre justice n'a pas qu'à révoquer le juge, sinon, si ce n'est illégalement. Parce que le juge est inamovible. Son forme d'immunité, ou pas qu'à révoquer si ce n'est pas pour forfaiture ou bien pour quelque bah est grave. Mais si c'est pour faire dans quatre travail que l'a fait, ministre justice pas capable de l'ordre voir que pour le révoquer. Qui nomme le juge? Normalement, c'est le président de la République qui par délégation ministre justice. Ça m'a parlé pour moi par exemple. Mais constitution lui prévoit comment pour un juge nommé sur une liste départementale, etc. Bon. Mais pour l'instant, ça pourquoi, en tout cas, la connaissance PAM, m'a pas quoi appliquer. Jusqu'à présent, parce que moi, me nommé le 4 janvier 1999, l'être moi sorti dans le ministère de la Justice, et c'est le ministre de Justice, non? En personne, quoi, Christian, l'être ça. Ok, donc, ça veut dire, il n'est pas capable de révoquer pendant la période de guerre, mais est-ce qu'il est capable de révoquer quand même comme juge? Il n'est pas capable de révoquer comme juge, tout autant que le mandat n'est pas fini. Mandat a duré combien de temps? Mandat, non, en tant que juge du siège, il a duré 7 ans. Et en tant que juge d'instruction, il y a 3 ans, juge d'instruction qui est renouvelable. Mais bon, l'autre bagaille, par exemple, si ou tu as gêné dans un dossier quelconque, puisqu'on ne voulait pas tellement spécifier, mais excusez, mais c'est Kotoïa qui fait ça. Par exemple, par rapport à dossier Jean-Léopold Dominique Lan, ou ta jeune, y a pas capable de révoquer, mais est-ce que y a capable de décider des paysos? Bon, on va parler de dossier Jean-Léopold Dominique, on va parler de la cadre fonction juge d'instruction, la cadre acte la réaliser dans n'importe qui dossier. Y a pas qu'à ni dépayser ni révoquer parce que juge Lan est inamovible, c'est-à-dire qu'il y a pas qu'à transférer s'il pas voulu. Il n'y a pas même pas la promotion, s'il parle. Ce n'est pas dans le cadre d'un dossier spécifique, okay. Mais c'est dans le cadre de fonction directement en tant que juge. C'est-à-dire que le juge libre qui a fait tout acte livré et moun pa ka empêcher de réaliser acte livré, le livré à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez retiré son dossier? Est-ce que vous avez retiré son dossier? Il est possible pour certaines raisons. Possible pour certaines raisons. Mon cas pour exemple avoir sous son dossier et puis cabinet d'instruction rempli avec dossier, ça dit que au cabinet enregistré des retards alors que le juge là il gagne un délai de 2 mois pour réaliser une instruction. Ça toujours possible. Ça toujours possible dans le cas d'administration tribunal là parce que doyen lui-même c'est les mêmes qui a assuré gestion ça. OK? Mais c'est pas l'état en tant que tel qui va dire bon on retire tel sous tel dossier tel dossier. On va croire que ministre justice n'a pas quelqu'un pour voir ça. Mais doyen a toujours fait parce que c'est lui qui a administration gestion sur les tribunaux là même. Vous pensez certainement magistrat Claudie Gassan que nous pas capable fin interview ça sans aborder une question qui fait en pile parler pendant les derniers temps ça yo qui c'est la question de l'immunité. Gagne un parlementaire qui t'a gagné convocation pour paraître venir répondre à la question dans le cadre de drame 3 avril là et il a été fait valoir question immunité et ça a fait traîner le dossier pendant longtemps. Et est-ce qu'on est capable justement aujourd'hui hein, parler de limite question immunité hein, qui pas que juge d'instruction a franchi par rapport au monde qui bénéficiait d'une immunité parlementaire ou autre? Bon, sur question immunité parlementaire là, c'est ce qui te concerne dernièrement, on a parlé de lui. Nous-mêmes dans le cabinet d'instruction, nous pas gagné une procédure établi, et même au niveau de, c'est-à-dire au niveau de légal, nous avons un texte qui dit non, mais comment pour nous inviter un parlementaire à venir témoigner dans le cabinet d'instruction. Et en tant que professionnel, à partir du moment que il pas un texte dérogatoire au droit commun, c'est-à-dire que un texte est dit de manière spéciale, mais comment pour un député ou un sénateur à venir témoigner dans le cabinet d'instruction, nous obligeons à inviter, suivant l'article 58-59, code d'instruction criminelle là, tant que tout le monde. Seul problème qui posait, si nous t'avons procédé à arrestation parlementaire, ça, c'est le ça, nous allons appliquer l'article 115 de la Constitution qui dit que il faut avoir une autorisation, chambre, si ça, si chambre députée, si sont députés, ou bien autorisation Sénat, si sont sénateurs. Depuis, ce n'est pas arrestation que nous avons fait, depuis, ce n'est pas fait accusation, ce n'est pas poursuite, nous pas concernés par question immunité, ça, parce que c'est seul là un texte spécial. Mais si c'est pour invitation venir témoigner, sénateur a venu, député a venu, gens que nous-mêmes nous demandons pour venir. Et comme vous avez remarqué, pendant tout le temps, que vous avez demandé pour évoquer juge incompétent, etc., vous avez demandé pour même convoquer juge devant le Parlement. On va dire qu'il est impossible, on va dire qu'il est inimaginable, son aberration pour un parlementaire de penser que le cas convoque un juge d'instruction. Et pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas capable. Parce qu'il n'est pas capable, tout simplement. Parce c'est que deux pouvoirs séparés. C'est deux pouvoirs séparés. Youn, mais pendant ce temps, juge-là, il n'est qu'à convoquer le parlementaire là, mais le parlementaire n'est pas qu'à convoquer. Pas qu'une personne qui a convoqué le juge d'instruction. Le juge d'instruction qui a convoqué tout le monde, c'est la justice. Tout le monde justiciable devant la justice. Même le juge est justiciable. Même le juge est justiciable. Sinon, quand on dit c'est le juge d'instruction, même quand on fait n'importe quoi semblé, tuer le monde, faire tout semblé, et puis la justice n'est pas carrément. Qui recourt gagner contre le juge d'instruction, par exemple? Qui recourt gagner contre. Un juge d'instruction sur je donne par exemple probablement l'arme qui va être utilisée contre vous, monsieur le juge. Bon, recours par exemple, un juge d'instruction, c'est comme on dit juge d'instruction, ça commet une infraction. Eh bien, à ce moment-là, c'est saisine n'a pas le fait, c'est saisine cour de cassation. La cour de cassation va désigner un juge d'instruction pour enquêter sur le crime commis. Saisine, c'est l'œil touché, instance-là de pression. Voilà. Mm-hmm. Et c'est cour de cassation qui va décider que le va choisir, il va le désigner un juge d'instruction, etc., pour mener une enquête sur ça. Mais ce n'est pas le commissaire gouvernement qui va le prendre, tant que n'importe qui, le monde dans la rue, hein, qui va le dire, je saisis le cabinet d'instruction pour mener une enquête sur le juge d'instruction. Ce n'est pas comme ça que ça fait. Et si c'est une question disciplinaire qui t'a posé, c'est un conseil supérieur magistrature hein, qui t'a saisi de questions disciplinaires ça pour ta sanctionner juge sur le plan disciplinaire mais qui pas existé à l'heure actuelle qui existait qui est prévu par la constitution mais qui n'existe pas en fait. Sous question que nous autres pose nous autres parler à tout à l'heure sur question arrestation donc yon moun dans la rue n'importe qui moun nous ka arrêté selon Jean la loi dit mais pour un parlementaire moi prendre pour il y a une forme pour ka arrêté c'est-à-dire faut une autorisation chambre ou bien sénat. Justement, puisque nous avons parlé de questions immunitaires et nous avons abordé tout question arrestation, est-ce que dans le cas d'un dossier, juge n'est capable de décider de arrestation ou non de tel ou tel individu? Qui est-ce qui est responsable de procéder à arrestation devant la justice? Qu'est-ce qui a un pouvoir pour ça? Une seule autorité. Une seule autorité qui a un pouvoir pour arrêter les gens, qui a un pouvoir pour mettre les gens en prison. Une seule autorité, c'est le juge d'instruction. Pas le commissaire du gouvernement et pas la police. Pas le commissaire du gouvernement, pas la police, pas le juge de paix. Seulement en cas de flagrant délit que moun et autorité ça ou carité moun. En cas de flagrant délit, moi crois que la loi prévoit même un citoyen capable. Non, simple citoyen carité moun en cas de flagrant délit. Donc pouvoir commissaire gouvernement, pouvoir juge de paix, pouvoir la police limité à flagrant délit que n'importe qui simple citoyen ou même ou carité moun que ouais commet un crime là. Sinon l'autorité en matière d'arrestation l'autorité c'est le juge d'instruction. En matière d'arrestation, en cas de flagrance ou en cas de non flagrance, c'est le juge d'instruction qui ca fait. Parce que juge d'instruction par exemple, dans les avocats ou parler de mandat de comparution que juge d'instruction ca converti en mandat de dépôt ou mandat d'arrêt. Bon, on va connaître qui ça parler. Mais mandat de comparution qui ça lié. À partir que juge là émet un mandat contre l'inculpé. Parce que moi, je vais inviter un témoin, je vais vous demander de faire un mandat. Je vais vous demander de faire un mandat. Un témoin, son citation ou évalué pour le comparer. Son ordre de citation pour évalué. Ou citer, ou faire demander au commissaire gouvernement, suivant l'article 58 du code d'instruction criminelle, ou demander au commissaire gouvernement pour voir les gens tel jour à telle heure dans cabinet d'instruction pour tendre comme témoin. L'homme où nous a venu, lui prêter serment ou fin tendre, il y a une seule obligation pour lui dire pour le bon la vérité. Si mon non li bon menti parce que à partir de prestation de serment ça veut dire que tout ça le bral c'est vérité. Si mon ça on t'a venu découvrir que le bon menti c'est qui côté pour découvrir ça c'est le par exemple un jugement nous va comparer deux versions version que la baille pendant jugement et version que le débat juge d'instruction yo quand elle font faux témoignage c'est le ça témoin ça va prendre chaud mais ça pas concerné juge d'instruction yo pas d'où vienne baille menti sous vienne baille menti ou même pour compte pas ou engager tête tout non bagaille que nous même nous pas mettre là dedans parce que pas gagne monde tout baille menti. Mais un témoin qui respecte les devines dans la cabinet d'instruction, il n'a pas demandé pour le bail mentir sur le monde, il a demandé si le connaît bagay, oui, magistrat me connaît, non, magistrat me connaît. Témoin pas courir aucun risque. Parce que témoin, c'est aider la justice. Il n'a pas courir aucun risque. Il n'a pas courir aucun risque. Donc, pas de nécessité pour non plus la payer au avocat pour le venir aider. Pour le venir aider. C'est ça, théorie pas. Ok. Parce que. Il n'est pas d'accord avec théorie pas. Il n'est pas d'accord avec théorie pas. Avocat. Parce que, bah, on estime qu'il faut l'assister. Et témoin et monde qui est inculpé. Yon moun ke m'invite son mandat de comparution que remet là, c'est normal que moun ki invite son mandat de comparution, moun sa, son moun ke m'inculpe, mais que moi voye dil pou le vin kote m'tel le, même tout dil pou ki sa, m'dil, mais qui fait, mais qui infraction ko komet, mais qui atik, qui est puni infraction sa ko komet là, vin kote m'tel le, moun n'a pas vini. Si moun n'a pas vini, m'a bay un mandat d'amener. Alors que différence qui gagne avec témoin, si témoin m'voye invite le, moi m'a décommissé gouvernement pour inviter le vin côté li pas venu m'pa ka bay mandat contre lui m'pa ka bay mandat d'amener ni mandat de comparution contre lui parce que à ce moment-là me changer statut automatiquement c'est ça ou ta relé en forme de conversion si témoin pas vle parler sans avocat m'ka changer statut m'pa gen droit pour me faire ça pour m'ta changer statut moun nan parce que mon témoin pas fait rien seulement témoin l'ol pas venu m'gon l'autre bagarre m'ka fait m'ka exercer une contrainte contre lui. Et contrainte là pas inculper moun nan contrainte pas veut dire que met ton bagage sous do moun nan pas dit c'est l'ikfel seulement comme la justice qui a pouvoir pour le faire venir la justice faut venir contrainte là c'est forcer le vin c'est forcer le vin. OK magistrat Claudie Gassan avant de finir interview une note un mot une phrase est-ce que enquête sur assassinat Jean-Dominique Lan avec Jean-Claude Louis Saint a pas abouti est-ce que enquête là pas abouti comme moi toujours répété enquête toujours abouti enquête toujours abouti. Tout dépend de qui attente moun kan face attend. Pour nous-mêmes, dans le niveau de la justice, nous avons obligation pour nous faire une enquête. Quelle que soit l'enquête là, nous estimons que nous avons obligation de moyens. Nous supposons mettre tout moyen en œuvre, réaliser tout acte possible pour nous joindre ça qui passe. Nous n'avons pas gagné sans obligation de résultat. Nous avons obligation de moyens. C'est tout comme un avocat qui a obligation de moyens. Avocat doit faire toute bagaille pour le défendre nous, mais s'il pas arriver défendre nous, c'est pas lui-même. Nous-mêmes nos obligations pour nous faire enquête là, nos obligations pour nous faire tout ça qui est possible pour nous réaliser enquête là. Est-ce qu'il a pas abouti ou il a pas abouti? Magistrat Claudie Gassan, Radio Haïti Ouest. Interface. Une émission d'échange, une émission d'écoute critique et de questionnement. Interface. Nous c'est l'homme, nous pas qu'un bécrasse. Nous la série des écrases et barrières pas comprendre. Chita palé, t'as changé la vie. Interface. Une émission hebdomadaire chaque dimanche à midi. Reprise le mercredi soir à 9h. Interface. Simbarélé, m'a tout fait. Oh, yeah.